Le Théâtre populaire Juin 44 présente... Un roi, deux dames et un valet. Comédie en quatre actes de François Porcher, d'après un récit inédit de Madame Simone. Avec Lise Delamarre, Denise Jans, sociétaire de la Comédie française, et René Clermont. Avec Marcel Alba, André Bézu, Pierre Ferval, Robert Verani, Valé Valdi, Patrice Galbeau, et Fanny Marette, André Gire, Olga Nilza, Brigitte Morisot, Claire Nobis. Présentation, Maurice Bertrand. Au lendemain du premier conflit mondial, François Porcher, émouvant biographe de Verlaine, tenta une remise en valeur du théâtre en verre, théâtre un peu délaissé depuis Edmond Rostand. Peggy, dans les cahiers de la quinzaine, avait révélé ce poète délicat et généreux qui, en pleine guerre, donna le Butor et la Finette, suivi de la jeune fille aux joues roses et de la Vierge au grand cœur, évocation de l'âme de Jeanne d'Arc et mystère de la charité. Dans l'œuvre que Juin 44 présente ce soir, François Porcher revient à la prose, dont la souplesse convenait mieux sans doute à cette transposition des faits historiques, autant qu'à la subtilité d'analyse du caractère de deux favorites de Louis XIV. Madame Simone puisa dans Saint-Simon la substance du drame où s'oppose Madame de Montespan à son déclin et Madame Scarron, d'abord gouvernante des enfants royaux, devenue ensuite la secrète épouse du monarque et qui demeure pour l'histoire Madame de Maintenon. Cet antagonisme emplit tout l'ouvrage, qui est cependant dominé par l'image du roi soleil, alors que pas une fois celui-ci ne paraît en scène. François Porcher avait intitulé cette comédie « La gouvernante », mais Sacha Guitry, grand ami de l'auteur, inspiré peut-être par les longs dialogues féminins et le jeu passionné de leur duel, proposa le titre définitif d'un roi, deux dames et un valet. Oh, seul Bontemps aurait pu s'en plaindre, car ce valet était tout de même gentilhomme de la chambre et, vous le verrez, ne manquait point d'esprit. La pièce de haute qualité est à la fois celle d'un observateur et d'un poète. Son style, sobre et puissant, régente l'histoire sans jamais la trahir. Et la rivalité des deux héroïnes atteint à une certaine grandeur. Par son originalité, la sûreté de main et le tact que la nature du sujet rendait nécessaire, cette pièce de François Porcher compte parmi les meilleures du théâtre contemporain. Au château de Versailles, le 15 mars 1691, le matin de très bonne heure, bien avant le réveil du roi. La porte donnant sur l'antichambre est ouverte. Coquin, c'est ainsi que tu veilles ? Je faisais semblant de dormir. Ah. Bonjour, Nanon. Votre maîtresse est sortie ? Oui, monsieur Bontemps. Elle est allée à Saint-Cyr. On y donnait le fouet aujourd'hui. Elle est partie avant l'aube. Toujours matinale. Une habitude. Oui, d'ancienne gouvernante. C'est tout à son honneur. J'allais le dire. Madame de Maintenon est arrivée à la cour par les derrières, comme les valets inférieurs. Comme vous. Plutôt comme mon père, qui fut premier valet de chambre du roi Louis le XIIIe. Moi, j'ai eu la survivance de sa charge. Je suis écuyer, secrétaire général des Suisses, gouverneur de la ville de Rennes, intendant des châteaux, parcs, domaines et dépendances de Versailles et Marly. Nous sommes très anciens à la cour, Nanon. Très anciens. Je croyais que vous aviez été danseur d'opéra. Quelle bêtise! Je n'ai jamais dansé qu'à la cour dans les divertissements. J'adorais ça, me costumer. J'étais d'une souplesse. Ça se voit encore quand vous marchez. Quand je marche? Oh, que vous êtes jeune! Nous devons avoir le même âge. Quand êtes-vous entré au service de Madame de Maintenon? Du temps de Scarron, son premier mari. Il y a 36 ans. Et quel âge aviez-vous? 22 ans. J'ai un an de plus que vous. Mais vous n'avez pas ma goutte. On a toujours bon pied. Si. Un œil? Oh, pour l'œil. Et le reste? Vous n'avez pas honte à votre âge? Et qui est cette petite demoiselle qui accompagne votre maîtresse depuis quelques jours? Une pensionnaire de Saint-Cyr. Madame a coutume de s'attacher ses jeunesses pendant un mois ou deux pour les déniaiser. Je peux l'y aider? On les renvoie quand elles ont cessé de plaire. Madame appelle cela à changer de sotte. Mais j'ai fait la même chose toute ma vie. Et à part cela, Monsieur Bontemps... Parlons franc. Comment est ta maîtresse? Dans les transes. Elle te l'a dit? Non, mais elle a ses coliques. Chez elle, le cœur tient bon, l'esprit ne cède jamais, et seulement... Oui, le ventre se relâche. Écoute, le roi part pour l'armée après-demain. Sans les dames, c'est décidé. Rien à faire pour qu'il en démorde. Que l'épouse, à ce sujet, économise ses larmes. Mais une occasion s'offre de faire ici place nette. Oh ! Le jour où l'ancienne maîtresse de ta maîtresse, son ancienne rivale, enfin la grosse Montespan, quitterait la cour définitivement, que penserait l'ancienne gouvernante? Que ce jour est le plus beau de sa vie après celui de son mariage secret. Eh bien, ce peut être demain. Sainte Vierge! Le roi ne ménage l'ancienne favorite que parce qu'elle est la mère de ses bâtards. C'est à ce titre que, toute délaissée qu'elle est, elle est toujours demeurante et loge encore au château. Mais Madame de Maintenon, depuis des mois, travaille à obtenir du roi qu'il ôte à la marquise de Montespan la direction de sa dernière fille, Mademoiselle de Blois, qui vient d'avoir 14 ans. Tu es dans la confidence? Non. Moi non plus. Mais je le sais. Je crois même savoir que le père Louis est décidé à donner comme éducatrice à la petite... une amie de Madame de Maintenon. Le coup sera rude pour la mère. Une avanie de plus ou de moins. Ce n'est pas cela qui la fera partir. Attends un peu. On la dit fière. Elle avale toutes les couleuvres. L'une après l'autre. Mais deux à la fois. Que voulez-vous dire? Tu verras. Il lui restera toujours la direction de son dernier fils, le comte de Toulouse. Et comme le gamin n'a que 13 ans, elle aura encore un bon prétexte pour se cramponner à Versailles. Oui, c'est là son dernier siège. Mais si on le retire brusquement de dessous elle, patatras. Je médite un coup qui la mettra par terre, plus bas que terre. Je l'expliquerai à ta maîtresse. Voici l'heure de la relève des Suisses. Je reviendrai. Je sors par le grand cabinet. J'ai mon passe-partout. Un écuyer du duc du Maine vient d'apporter cette lettre. Une lettre de Louis-Auguste? De si bonne heure, donne vite. Je parie qu'il a encore perdu au jeu. C'est ça, c'est bien ça. Mais il est jeune. Et déjà dépensier. Il est prince. Vous n'avez qu'indulgence pour ce grand garçon. Vous si sévère pour tout le monde. Tu me chagrines, tais-toi. L'écuyer attend la réponse. Réponds que je recevrai son maître un peu avant le réveil du roi. Monsieur Bontemps est arrivé par les derrières. Il dit qu'il croit savoir que le gouvernement de Mademoiselle de Blois va être retiré à la Montespan. Mais tant que le roi n'aura pas tapé sur son assiette au grand couvert et déclaré ses volontés, il n'aura rien de fait. Et quand le roi s'est déclaré, il ne revient jamais sur ce qu'il a dit. Jamais. Le bruit du couteau d'or frappant à petits coups est comme l'annonce du destin. Dois-je introduire Monsieur Bontemps? Bien sûr. Bonjour, Bontemps. Que me voulez-vous? J'apportais comme une odeur de nouvelles que j'ai captées dans le vent. Et j'étais venu me mettre aux ordres de votre majesté. Ne m'appelez pas ainsi. La flatterie est trop grosse, indigne de votre subtilité. Le sacrement est là. Il me souvient de cette nuit d'hiver à 2 heures du matin, quand tout dormait dans le château, le cabinet du roi transformé en chapelle. Votre Majesté, oui, ces mots-là, je peux bien les prononcer à huis clos, puisque la messe de mariage, c'est moi qui l'ai servie. Vous savez bien que je n'ai pas le droit au titre. Oui, en public. Il n'a de valeur qu'en public. Me le décerner dans le privé, dans les moments où les souverains volontiers le déposent, me rappellerait que je ne suis point reine, si je pouvais l'oublier. Madame est la raison même. Avant de me dire ce qui vous amène, bon temps, il faut me donner un gage de votre sincérité. Autrement, je serais en droit de ne pas me fier à vous entièrement, car enfin, toutes les dames qui m'ont précédée dans les bonnes grâces de Sa Majesté vous ont eu des obligations. Toutes. Et la dernière, la plus considérable, qui fut longtemps maîtresse en titre et qui loge encore à Versailles, là, au rez-de-chaussée, l'appartement des bains, ne tarit pas d'éloges sur votre compte. Madame de Montespan exagère. Or, vous m'offrez votre dévouement. Vous vous présentez ici comme un homme à moi. Ah, pardon, au roi. Je n'appartiens qu'au roi. Songez, bon temps, que la bénédiction nuptiale à laquelle vous avez assisté remonte à 1684. Nous sommes en 1691 et Madame de Montespan est encore à la cour. Depuis 7 ans que je suis mariée avec le roi, j'ai le déplaisir de vivre sous le même toit qu'elle et la honte d'être exposée quotidiennement à la rencontrer, l'humiliation de la saluer quand je la rencontre. Presque chaque jour, après la messe, le roi lui rend visite. En passant. L'autre semaine, il lui a fait porter un gâteau de sa table. Simple politesse. Madame oublie que l'ancienne favorite est la mère de leurs altesses royales, le duc du Maine, le comte de Toulouse, la duchesse de Bourbon, mademoiselle de Blois, tous 4 légitimés, enfants de France. Mais qu'elle garde les titres qu'elle doit à son ventre, pourvu qu'elle débarrasse le plancher. C'est ce qu'elle va faire. Vous divaguez ? Je raisonne. On peut trouver bizarre ou même scandaleux que le roi, depuis son mariage avec madame, ait souffert que son ancienne maîtresse continue d'habiter au château. Mais, madame, le roi, même au temps de sa dissipation, a toujours été attaché par nature, au point qu'il hésite à envoyer promener ses liens quand ils sont rompus. Il le désire et ne l'ose. Il faut alors qu'on l'y aide. Et je ne cesse de m'y employer. Mal. Oui, l'art de madame est ici en défaut. Le roi se bute quand on l'obsède. Le mieux est de jouer le coup par la bande. Au fait. Puisque le roi, par scrupule ou faiblesse, répugne à chasser madame de Montespan, tout en souhaitant vivement qu'elle s'en aille, amener la marquise à évacuer la place de son propre mouvement. Voilà tout le problème. Mais il est insoluble. Je ne pense pas. Quels sont les points faibles de l'adversaire? L'orgueil, un caractère emporté, joint à une certaine candeur. Eh bien, c'est là qu'il faut frapper. 2 fois déjà, elle est partie et revenue. Et autre temps. Elle est revenue à l'époque parce que le roi, qui avait encore des égards pour elle, l'a envoyée chercher. À présent, il ne bougerait plus. Elle le sait. Aussi s'est-elle jurée de ne lui donner aucun prétexte de se défaire d'elle. Elle oubliera ce serment. Non, elle ne commettrait pas l'imprudence de partir une 3e fois. Il faut pourtant qu'elle la commette. Ensuite, nous prendrons nos précautions pour que le retour soit impossible. Oh, mais des mots. Avez-vous un plan? Mais sans doute. Madame, n'est-ce pas, presse depuis longtemps le roi de confier à la duchesse de Montchevreuil, son amie, l'éducation de mademoiselle de Blois, qui vient d'atteindre sa 14e année. Comment le savez-vous? Comme le basset flaire le lièvre. Je subodore même sur ce point que madame a obtenu satisfaction. Le roi ne m'a rien dit. Il ne se déclare qu'à la dernière minute. Admettons que la direction de mademoiselle de Blois soit retirée à sa mère. J'en serai aux anges. Mais pour que la belle en vienne dans un coup de tête à quitter son appartement, il faudrait autre chose que cela. C'est mon avis. Nous devons faire coup double. J'ai suggéré à Sa Majesté l'idée d'emmener avec elle à l'armée le comte de Toulouse, resté jusqu'ici sous la tutelle de madame de Montespan. Vous rêvez, vous oubliez l'âge du comte. 13 ans. Il ne peut suivre le roi à la guerre. Pourquoi pas? Ainsi, les deux derniers enfants du roi, que Madame de Montespan garde encore auprès d'elle, lui étant retirés à la fois, elle perdra le même jour les deux seuls titres auxquels elle doit d'être encore demeurante au château. Elle n'aura plus qu'à déguerpir. Oh, vous me donnez le vertige. L'idée n'est pas mauvaise, mais les loisirs nous manquent pour nouer cela. Le roi part après demain matin. Il fallait venir il y a un mois. Je connais la cour. En un mois, l'affaire aurait eu 10 fois le temps d'être éventée. Mais comment espérer qu'en 2 jours, l'on puisse obtenir de Sa Majesté qu'elle emmène un gamin au siège de Mons? Voilà 3 semaines que j'y travaille. Le projet en lui-même est déjà extravagant. Il sourit au roi. Mais qu'est-ce qui vous le fait supposer? Hier, il a dit à Blouin, « Quoi de plus joli qu'un enfant de cet âge en cuirasse ?» Le roi ne fera connaître ses volontés que demain soir, au grand couvert, pas avant, mais comme toujours, ce sera sans appel. Je lui parlerai aujourd'hui. Ah, surtout pas. Si le roi sent qu'on veut le gouverner, il est capable de se fâcher, de laisser les enfants à leur mère, et même de lui offrir encore un gâteau. Alors il ne me reste plus qu'à attendre. Attendre. Ça me connaît, mais je suis impatiente par tempérament. Jamais bon temps, il ne m'aura fallu me raidir davantage pour me dominer. Et madame, il n'est pas question de ne rien faire. Il faut agir. Agir sans tarder. Agir? La seule chose qu'il y ait à redouter d'ici à demain soir et qu'il faut à tout prix empêcher, c'est que, prévenue par ses espions, madame de Montespan aille se jeter aux genoux du roi, implorer sa pitié, quand il est encore temps. Oh, le roi, aujourd'hui, ne se laisserait plus toucher. Non, non, aujourd'hui, c'est vous qui régnez, madame. Mais le roi a peur du scandale. Cet homme, si sûr de lui, a un tel souci de l'étiquette, de la tenue, des convenances, que parfois, devant un éclat, je l'ai vu tout décontenancé. Il pourrait fort bien battre en retraite, renoncer aux décisions prises. Vous avez raison, mais je ne puis que prier Dieu que cela n'arrive pas. Non, non, ce n'est pas l'heure de dire des chapelets. Que puis-je faire d'autre? Endormir la dame. Vous seul pouvez y réussir. Il faut nous assurer que d'ici à demain soir, l'idée ne viendra pas à la marquise d'aller faire chez le roi un beau tapage qui renverserait nos plans. Pour cela, vous devez la voir, feindre un accommodement et même une réconciliation. Si elle se méfie, égarer ses soupçons, la bercer de promesses, la persuader enfin que c'est grâce à votre entremise qu'elle peut éviter la catastrophe. Je ne saurais jouer ce rôle. D'ailleurs, nous avons cessé de nous rendre visite. Voilà une éternité que je ne lui ai parlé, que nous n'échangeons que des saluts quand le hasard nous met en présence. Ben, il n'y a pas si longtemps qu'elle-même, dans l'espoir de vous amadouer, vous a fait demander une entrevue. J'ai refusé. Oui, on vous dirait que vous avez réfléchi. J'ai refusé par ménagement pour elle, parce que j'étais sûre que si je lui ouvrais ma porte, je ne pourrais plus me retenir de la piétiner quand je la verrais devant moi. Et vous me demandez maintenant de lui faire les yeux doux. Les yeux du serpent, madame. Je ne suis pas fausse. Mon péché, c'est la rancune. Ne pouvez-vous pas, pendant 1 heure, masquer vos ressentiments? Impossible. Ils sont trop forts. Ils feraient craquer tous les masques. Alors, madame, laissons aller les choses, laissons le champ libre à cette furie. Le tout dans la vie, c'est de savoir ce qu'on préfère. Comment ce qu'on préfère? Je la recevrai. Non, cela ferait jaser. Je ne peux pourtant pas m'abaisser jusqu'à aller chez elle. Non, l'inconvénient serait le même. Alors cherchons un terrain neutre. Il n'y en a pas au château, car je suppose que vous cherchez parmi les courtisans. En ville, chez un bourgeois. En fi. Puis vos allées et venues seraient remarquées. Eh bien, proposez autre chose. La rencontre aura lieu chez moi, dans mon entresol. C'est une idée. Quand? Ce soir, dès que le roi sera couché. Un peu plus tard, quelquefois encore, il se relève. Pour venir faire à madame l'honneur de... Oui, c'est juste. Nous attendrons qu'il dorme. Disons vers la minuit, après la première ronde. Les couloirs à cette heure-là sont déserts. Madame de Montespan sera prévenue. Je la ferai chercher. Je vous enverrai à vous-même quelqu'un de sûr, un de mes garçons bleus, qui vous conduira par des détours au lieu du rendez-vous. Que pourrais-je lui dire qui ne soit pas une injure directe? Qui n'ait pas l'air d'une ironie sanglante. Dieu vous inspirera. Vous aurez avec elle ce qu'on nomme une explication franche. Oh, que madame m'excuse. Je m'aperçois que depuis quelques instants, je lui parle à la deuxième personne. Je me retire. Mais j'y songe. Il y a quelqu'un qui, à l'heure de l'exécution, pourrait grandement nous aider. Au besoin, donner le coup de grâce. Qui? Le duc du Maine. Vous croyez? Madame est son éducatrice. Elle l'a soigné, dorloté dans toutes ses maladies, alors que Madame de Montespan ne s'est jamais beaucoup souciée de ce fils. En effet. Les rapports de Madame avec Monsieur le Duc sont toujours très tendres. Oh, quoique Louis-Auguste ait 21 ans, je lui parle comme quand il était petit. Je l'aime comme mon enfant. Et lui? Il m'aime aussi beaucoup. Et plus que sa mère. Je me suis parfois posé la question. Le moment est venu de le savoir. Je l'attends. Tout s'arrange pour le mieux. À ce soir, madame. Je prends par là pour n'être pas vue. Encore à cette place? Tu m'y as surprise souvent? Souvent, oui, plutôt. Les yeux fixés toujours sur les mêmes fenêtres. De quoi ai-je l'air dans ces moments-là? Vous voulez le savoir? D'une empoisonneuse. C'est bien cela. J'ai appris à lire dans votre jeu depuis 30 ans que je vous sers. Nanon, je me fais horreur. Je suis une créature forcenée. Vous êtes la modération même. Aussi. C'est ce qu'il y a d'affreux. Je suis malade de haine. Mais peut-être que dans 2 jours, je serai délivrée, Nanon. Délivrée de cette insolente. Délivrée surtout de mes démons. De cette obsession criminelle. Dieu le veuille. Prions. Entrez. Madame, j'ai l'honneur de vous présenter mes respects. Comment vous portez-vous ce matin? Vous ne me répondez pas. Je vois bien que ma lettre vous a fâché. Pour vous complaire, je renoncerai au lansquenet, à tous les jeux s'il le faut. Mais être un Marly sans jouer est une chose impossible. Le roi d'ailleurs n'aime pas cela. Et je n'ai trouvé personne qui voulût jouer petit jeu. C'est ainsi que j'ai perdu 600 pistoles. J'ai préféré vous l'écrire avant qu'on vous l'apprît. Grondez-moi, madame, insultez-moi, mais ne me montrez pas cette froideur. La seule chose qui m'importe, c'est de n'être pas brouillé avec vous. Je ne pourrai soutenir la vie si vous ne m'aimez. Asseyez-vous près de moi. Je préfère me mettre à vos pieds, là, sur ce coussin. N'espérez pas m'enjôler. Vous n'éviterez pas la semonce. Je vous connais trop pour m'en croire quitte. Impertinent. Laissons cette histoire de jeu. Elle n'est pas si grave. Mais c'est l'homme que vous êtes, monseigneur, qui ne me plaît pas entièrement. L'homme? Suis-je donc un homme, déjà? Cessez de plaisanter. Vous êtes un homme par l'âge et point par le caractère. C'est là ce qui me fâche. Je vous souhaiterais plus de sérieux. Comment? Monsieur le maréchal de Luxembourg, sous qui j'ai fait mes premières armes l'an dernier, a dit au roi que j'étais appliqué. Dans les petites choses. Et puis, appliqué, appliqué. Vous avez donc si peu d'orgueil que vous soyez fier d'un tel éloge? Il vous manque cette insatisfaction, justement, qui fait les héros. L'émulation pour ce qui est grand. Je me suis bien comporté à Fleurus. Bien comporté. Dieu sait, monseigneur, si je me suis tourmenté à votre sujet pendant la dernière campagne. Vous serez bientôt devant Mons, avec le roi. Je vais donc de nouveau trembler. Pourtant, je vous en conjure, faites mieux que de vous bien comporter. Songez que les compliments qu'on a faits de vous au roi étaient écrits par un maréchal qui est un vieux courtisan et s'adressait à un père qui vous aime, à qui l'on voulait plaire. Vous croyez donc que je suis lâche? Si je le croyais, j'en mourrais. Mais le fils de monsieur qui a 16 ans part avec vous cette fois. Ne vous laissez pas éclipser par lui. C'est facile à dire. Mais comprenez donc, monseigneur, que si j'ai l'ambition que vous soyez un grand prince, paré de tous les dons, comme un nouvel Alexandre, c'est que mes sentiments pour vous sont infinis, à la mesure de mes exigences. Madame, je vais me lever et marcher un instant devant vous. Regardez bien. Arrête. Ta boiterie se remarque à peine quand tu ne l'exagères pas volontairement, comme tu viens de le faire, méchant garçon. Assieds-toi sur mes genoux. Je te dis que tu as toutes les grâces et de l'esprit comme un diable. La seule chose qui te reste à acquérir, c'est la force d'âme, j'entends, car le corps, grâce à mes soins, est solide aujourd'hui. Tu deviendras parfait si tu m'écoutes. Embrasse-moi. N'aie pas de chagrin. C'est vous, madame, qui pleurez? C'est donc que je vous fais pitié? C'est sur moi que je pleure. N'est-ce pas pitoyable d'être attachée à toi comme je le suis, d'aimer avec cet excès un enfant qui n'est point à moi, dont je ne disposerai jamais? Madame, comment osez-vous prétendre que je ne suis point à vous? Disposez de moi comme vous l'entendez. Aujourd'hui, tu es sincère en disant cela. Le diras-tu demain? Il y a parfois des circonstances où il est permis d'hésiter. Je n'en vois point. La vie, Louis-Auguste, a de telles surprises. Elle n'en saurait avoir pour moi en ce qui vous concerne. Madame chérie. Alors, jure-moi que tu saurais me défendre si l'on m'attaquait. Que dites-vous là? Qui y songe? La cour est un pays plein d'embûches. Qu'est-ce qui vous menace? Jure-moi que tu n'as jamais ajouté foi à tout ce qu'on raconte. Qu'est-ce qu'on raconte? Un tas d'horreurs sur moi. Sur vous? Jamais personne ne s'y est risqué en ma présence. Personne? Absolument? Absolument personne? Personne. Je ne l'aurais pas souffert. Et ton attachement pour moi, s'il te fallait un jour le déclarer? Qui l'ignore? Si tu étais mise en demeure de choisir entre lui et d'autres sentiments? Je vous aime, madame, plus que tout. Plus que tout? Plus que tout. C'est bon. Je m'en souviendrai, monseigneur. J'ajoute que je ne crains personne, à l'exception du roi, qui ne me veut que du bien. Et je suis très puissante. Ceux qui m'aiment, qui me préfèrent, seront récompensés. Comment vous étiez là? J'arrive. J'ai cherché monseigneur partout, dans le salon ovale, dans le cabinet des agates. Ne l'ayant pas vu, je me suis permis d'user de ma clé. Il y a longtemps que le roi est réveillé. Il a déjà dit 16 heures. Les grandes entrées ont commencé? Si elles ne sont pas finies. Non, entendez-vous cette rumeur? C'est la cohue du petit lever. Hâtez-vous, madame. J'accompagne monseigneur. Nous lui trouverons une excuse. Je ne doute pas de votre malice. Le père Montre est comme le diable. Il est partout à la fois. Un salon au rez-de-chaussée du château, dans l'appartement des bains chez Madame de Montespan, le matin du même jour. Dans un coin, le comte de Toulouse et Mademoiselle de Blois chuchotent en feuilletant une grande Bible illustrée. Oh, cet homme nu. Adam. Et cette femme avec son gros ventre. Ève. Oh, qu'ils sont laids. Ferme ce livre. Dis-moi, sœur. Est-ce vrai que le roi va te confier à la vieille Montchevreuil? Et comment le saurais-je? Ça te chagrinerait de quitter notre mère? Oh, un peu, sans doute. Mais si tu savais comme elle est fatigante, toujours à gémir, à crier. On croirait que tu es seule à l'entendre. Et toi, le roi t'emmène? On en parle. Je le voudrais bien. Écoute, un secret. Hier, quelqu'un de la garde-robe est venu prendre mes mesures. Un armurier. Où cela? Oh, ben, pas ici, bien sûr. Chez mon maître de manège. Oh, alors ça, c'est sérieux. Les domestiques sont toujours avertis les premiers. N'en dis rien à maman. Oh, tu penses? Attention, la voilà. Déjà de retour, ma mère? J'ai quitté la chapelle avant le dernier évangile. Je ne tenais pas en place. Je tremblais de n'être pas rentrée quand le roi, votre père, va sortir de la messe. Ah, j'ai le pressentiment qu'il me rendra visite aujourd'hui. La dernière fois qu'il est venu, c'était... Il y a plus de 15 jours. Puis une sotte! Tu n'as aucune mémoire. Il y a 13 jours, j'ai compté. Tu veux une gifle comme ta sœur? Il y a beaucoup moins longtemps. Oui, il y a eu 8 jours avant-hier, madame. Vous aussi? Oh, quelle drôle de fille d'honneur. On dirait qu'elle prend plaisir à me rappeler ma solitude. Les avanies qu'on me fait. Je finirai par vous chasser. Écoutez! Non, je croyais entendre le brouhaha de la sortie. Ah, cesse de pleurnicher chez toi, tu m'agaces. Allez faire le guet, mademoiselle. Sans vous montrer, surtout. Non, restez. On peut vous voir. Que dirait-on? J'ai tant d'ennemis. Oh, en être réduite à cela, à frémir dans l'attente. Tant pis, va, entrebâille la porte. Venez près de moi, mes enfants. Serrez-vous contre votre mère. Vous êtes ma consolation, mon appui. Tout ce qui me reste. Mets ta tête sur mon épaule. Toi, la tienne sur mes genoux. Essuie tes yeux. Essuie tes yeux. Le roi, votre père, va venir. S'il a encore des entrailles, ce tableau ne peut manquer de le toucher. Tu n'entends rien ? C'est une idiote. Va écouter à sa place. Au premier bruit, tu reviendras. Oui. Eh bien, mademoiselle, pourquoi cet air contraint ? Vous n'allez pas devant le roi faire une tête pareille ? Il ne supporte pas les visages tristes. Bien que je ne m'explique pas comment il peut concilier cette humeur avec son goût pour la vieille Daubigné veuve Scarron et sa face de carême. Bah, souriez ! Ne dirait-on pas que c'est ici la demeure de la disgrâce ? Rien n'est perdu, ma fille. Madame, les portes sont ouvertes. Entendez-vous ? Place ! Place, monsieur ! Oui, reprends la pause, vite ! Il approche. On s'incline sur son passage. On lui tend des placets. Il répond, je verrai. Oh, j'ai connu cette bousculade, mes chéris. Cette remontée dans la gloire vers son appartement. On me baisait les mains. On tombait à genoux devant moi. Ne sois pas distrait, Louis-Alexandre. Vous nous avez conté cela 100 fois, ma mère. Imbécile. Chut, pas de doute, il vient droit ici. Oh, Seigneur, il va entrer. Il entre. Eh bien, qu'est-ce qu'il arrête ? Mais ouvre à deux battants, ouvre ! Madame la marquise, le roi a passé. Impossible, tu te trompes ! Je ne vois que des dos. Tu mens ! Non, c'est vrai. Quelle horreur ! Fermez ! Fermez cette porte ! Oh, ces regards qui m'insultent, voilà à quoi vous m'exposez. Oh, mon Dieu ! Mon Dieu, j'étouffe ! De l'air ! La fenêtre ! N'ouvrez pas ! Depuis qu'on m'a relégué au rez-de-chaussée, je ne puis même plus respirer sans être en but aux curieux. Oh ! Oh ! Je me sens mal. Vos vapeurs ? Tu ne comprends rien. Éloignez-vous ! Qu'on me laisse crever dans mon coin ! Mais... Madame ! Oh. Et dire, mes petits, que ces ignobles gens qui se pressent là-haut pour mendier un regard du maître, je les ai eus tous à mes pieds, sous ma pantoufle, vous m'entendez ? Sous ma pantoufle ! Pouah ! Mais n'y pensez plus. N'y plus penser ? Puisqu'ils vous dégoûtent. Vous dites pouah. Eh bien oui, pouah ! Je voudrais en même temps les écraser comme des punaises. Vous êtes trop jeunes, mes enfants, pour savoir... La cour n'est plus ce qu'elle était. Qu'est-ce que tu marmonnes ? Oh, rien. Ce que vous répétez tous les jours. Songez. Voilà que ça recommence. Si vous aviez tant soit peu de jugeote, mes petits, vous feriez votre profit de tout ce que je raconte. Si vous aviez un peu de pitié, vous feriez du moins semblant de m'écouter. C'est ce que je fais ? Seigneur, tout cela n'est que justice. Vous me punissez jusque dans mes enfants, qui sont les fruits de mon péché même. Je n'ai même pas le droit de me plaindre. Mais vous ne vous en privez pas. Vous avez bien raison, puisque cela vous soulage. Mes enfants, ma résolution est prise. Je me retirerai à Fontevraud, où votre tante est abbesse. Ah non, non, pas à Fontevraud. Je ne veux pas être sous l'autorité de ma sœur. Non, à Paris, au couvent des filles de Saint-Joseph que j'ai fondé moi-même. Et nous alors ? Nous sommes libres ? Libres ? Qu'entendez-vous par là ? Je veux dire, nous perdons notre mère ? Non ! Oh ! Vous me rappelez un bruit qui circule depuis hier, que des monstres ont juré de me ravir ma fille. Oui, toi ! Je ne dois pas céder. Je ne quitterai la cour que lorsque vous serez mariés tous les deux. D'ici là, je lutterai pied à pied. Et vous, dans cette lutte, vous vous serrerez contre moi. Madame, que pouvons-nous faire d'autre ? On ne nous demande pas notre avis. Mais quel serait-il ? Voilà ce que je vous demande, moi ! Vous vous taisez. Je vous suis donc indifférente. Oh, non, madame. Tout de même. Vous me haïssez, peut-être. Vous exagérez tout. Eh bien, je lutterai seule, au besoin contre vous, petite ambitieuse, petite cafard. Pour le moment, vous êtes encore sous ma coupe. Prenez garde à vous bien tenir. Oh, que je suis malheureuse. Oh, ne pleurez pas. À quoi ça sert-il ? Vous me trahirez comme les autres. Quels autres ? Tous ! À commencer par votre ancienne gouvernante, la Scarron, la veuve d'un cul-de-jatte, cette vieille guenille que j'ai ramassée dans la boue. Votre père, ensuite, qu'elle a rendu imbécile. Et Louis-Auguste, votre frère aîné, qui voit mon ennemi journellement. Qu'il a vu encore ce matin, ce qu'on m'a rapporté. À propos, mademoiselle, vous en êtes sûre ? Oh, absolument sûre. Monseigneur le duc du Maine a manqué les grandes entrées. Il n'a paru qu'au petit lever, tout courant, tout essoufflé. Il sortait de chez la Terrible. De si bonne heure ? Que se sont-ils dit ? Oh, nul ne le sait. Le Suisse que voilà et était de service à l'aube dans l'antichambre de Madame de Maintenon. Elle l'a éloignée. Est-ce vrai? Parole, à l'arrivée d'un brutal qui se disait son frère. Oh, celui-là ne compte pas. Bah, j'ai reçu l'ordre de ne pas reparaître. Qui t'a donné cet ordre? Parbleu, Monsieur Bontemps. Ah, Bontemps était là. Où n'est-il pas? Coquin! Excusez, Madame la Marquise. Je n'ai pu me retenir de châtier ce drôle. D'où sortez-vous? Je ne suis plus chez moi. Tout le monde y entre comme au tripot. Je ne suis pas tout le monde. Et qu'êtes-vous donc d'autre, Bontemps? Rien, s'il s'agit de mon humble personne. Mais les premiers valets de chambre du roi sont quatre. Et je suis l'un des quatre, le plus ancien, le plus... Enfin, laissons mes titres et qualités. La confiance dont le maître m'honore fait qu'il se passe de parchemin et me dispense de les énumérer. Cela ne vous dispense pas de vous faire annoncer. Pardon. Madame la marquise m'étonne et m'afflige. Elle vit donc à l'écart de la cour depuis si longtemps qu'elle en a oublié nos prérogatives. Je tiens mon passe-partout de sa majesté, non comme une clé de chambellan brodée sur un habit, mais... Comme une pince, monseigneur. Que le service du roi ennoblit. Parfaitement, madame. Parfaitement. Il suffit. Mademoiselle, emmenez les enfants. Toi, va au corps de garde et dis à l'adjudant qu'il te fasse donner les verges. C'est toi qui les mériterais. Pour avoir gardé vos secrets pendant plus de 15 ans, certes. Oui, tu m'étais fidèle autrefois. Je le suis demeuré autant que possible. Fourbe. J'ai de vos intérêts, madame la marquise, une vue plus claire que vous-même. Si je vous écoutais en toute chose, je me perdrais sans vous servir. Qu'est-ce que tu manigances avec ta vieille fée incroyable? Ah, le vieux valet et l'ancienne servante sont bien faits pour s'entendre. Oh, inutile de mentir, je suis informé. De quoi? Tu es allé ce matin dans l'antre de la sorcière. Je ne sais de qui vous voulez parler. Ne fais pas l'innocent. Mon fils Louis-Auguste, que l'œil noir de cette Sibylle tient sous son charme affreux, est aussi du complot. Ah, pardon, je crois comprendre. Vous voulez dire peut-être que je me suis présenté ce matin chez une certaine personne. Oui, le service de sa majesté m'y amène souvent. À la pointe de l'aube? Parfois. Quant à monsieur le duc du Maine, qu'on l'ait vu se croiser sur la porte avec moi, la belle nouvelle. Est-il quelqu'un au château qui ignore que monseigneur fait à la même personne de fréquentes visites? Oh, tout de même pas au petit jour! Ni jusqu'à en oublier l'heure du réveil du roi. Et c'est là tout ce qu'on vous a rapporté. N'est-ce pas suffisant pour me faire soupçonner ce qui se trame derrière le rideau, quand mes ennemis chuchotent déjà partout que mademoiselle de Blois me sera retirée? Et de monsieur le comte de Toulouse, nul ne vous a soufflé mot? Aucun officieux n'est venu vous prévenir qu'on voulait aussi vous l'enlever? Non. Cela m'étonne. Attendez! Si! Oh! Mais il s'agit cette fois d'un racontard stupide. Quelque sot en veine d'esprit aurait dit au petit lever que le roi amènera ce gamin à la guerre. Il a 13 ans. Oh, c'est ridicule. Ridicule. Madame la marquise, si vos espions vous coûtent cher, ils vous volent votre argent. Vous avez vu combien il m'a été facile d'expliquer par un motif banal les allées et venues mystérieuses qu'on a cru surprendre. Je pourrais m'en tenir là. Pourtant, je vais vous prouver que je ne suis pas un si mauvais diable. Quel piège vas-tu encore me tendre? Votre petit doigt peut vous conter bien des choses, mais souvent il vous trompe, car il est comme vous, passionné. J'ai pour m'introduire en main secret un compagnon plus véridique. Le passe-partout. Oui, madame. Ce crochet me dit à l'oreille que, il y a peu de temps, vous auriez fait demander un entretien à la personne en question. Ah oui, tu as su cela? Comme bien d'autres choses. Elle m'a fait répondre avec sa politesse horrible qu'elle craignait que de l'entrevue, il ne sortît rien qui pût m'être agréable. Autrement dit, elle a refusé. C'est exact. Eh bien, madame, voyez comme je vous trahissais. Profitant des obligations de mon service qui me permettent de l'approcher constamment, j'ai représenté à cette personne si polie combien les motifs de son refus, quels qu'ils fussent, pouvaient prendre aux yeux de la cour, du roi aussi peut-être, l'apparence de la dureté. Combien au contraire elle s'attirerait de louanges et l'approbation même de monsieur l'abbé de Fénelon, son directeur, en montrant plus de grandeur d'âme. De grandeur d'âme. Madame, il fallait bien flatter. Je ne pouvais attacher une laisse à sa guimpe et vous l'amener comme une levrette. C'est bien dommage. Ne rêvons pas. Je l'ai même appelée Nouvelle Esther. Cela aussi, c'est un rêve, mais qu'il a décidé. Elle consent à vous voir. Voilà un revirement bien inattendu. Elle est versatile. Non par étourderie, oh là, mais parce qu'elle est inquiète et ne cesse de s'interroger. Je la croyais inflexible. Elle l'est bizarrement, comme une mère de l'Église. En outre, une ancienne huguenote, travaillée par l'esprit d'examen. Les scrupules sont puissants sur elle. Imaginez-vous qu'elle a l'étrange besoin de s'estimer. Bref, une créature morale. Ne cherchez pas d'autres explications. Dans quelle disposition la trouverai-je? Conciliante. Une occasion à ne pas laisser échapper. Et sur tous les méchants bruits qui courent, a-t-elle une opinion? Vous le lui demanderez. C'est ce déchaînement, je suppose, qui a dû aussi la déterminer à accepter une entrevue qu'elle avait d'abord éludée. Penses-tu que ton maître, après cela, viendra chez moi plus souvent? Que vous dire? Peut-être le roi, pris entre deux feux, éprouvait-il quelque gêne à venir ici, et il n'aime pas être gêné. Mademoiselle de Blois me sera-t-elle laissée? Ne me posez pas de questions précises. Je sais seulement que tout est préférable à la situation actuelle, où chaque adversaire vit retranché dans son camp. Bien des difficultés qui semblaient insurmontables s'aplanissent au cours d'une conversation. C'est ce qui m'avait fait souhaiter d'en avoir une avec ce monstre. Alors? C'est entendu, tu peux lui annoncer ma visite. La voir chez elle? Non, non, cela ferait jaser. Mais elle ne consentira jamais à venir chez moi. Non, l'inconvénient serait le même. Ah, il faudrait un terrain neutre. Ah, je cherche... Inutile, j'ai trouvé. La rencontre, si vous voulez bien, aura lieu chez moi, dans mon entresol. En effet, c'est ce qu'il y a de plus commode. Eh bien, aussitôt après le départ du roi... Ah non, non, c'est qu'alors je ne serai plus là. J'accompagne sa majesté. Croyez-moi, le plus tôt sera le mieux. Disons demain? Non, ce soir, vers la minuit, après la première ronde. Les couloirs à cette heure-là sont déserts. La personne sera prévenue, je la ferai chercher. Je vous enverrai à vous-même quelqu'un de sûr, un de mes garçons bleus, qui vous conduira par des détours au lieu du rendez-vous. Le soir du même jour, une heure après le coucher du roi, l'entresol de Bontemps dans une aile du château. Dans le cabinet de droite est assise une dame, masquée, enveloppée d'une mante noire. Dans le cabinet de gauche, Bontemps est seul. Il exécute des pas en chantonnant. Entre le directeur des postes qui lui tend une lettre. C'est l'homme de la poste. À cette heure de nuit? Il insiste. Eh ben, fais entrer. Pardon, je vous dérange? Trois, oui. Je m'en vais. Non, non. Je tombe mal? Oui. Que dois-je faire? Ben, attendre, regarder, admirer. J'admire? Assieds-toi. Tu es un cochon. J'étais dans les étoiles, j'étais Dieu. Tu me ramènes sur terre, parmi les hommes, dans la boue. Ah, excusez. Montre ta chasse. C'est tout ça? Deux lettres? Fiche-moi le corps. Mais ce sont deux grosses pièces. Ah. Oui, l'une est signée Liselotte. Elisabeth Charlotte? Une lettre de madame? Oui, de madame, épouse de monsieur, à l'électrice de Hanovre, sa tante. Il y a un passage intéressant qui concerne madame de Maintenon. Lis-moi ça. Ah, mais c'est en allemand. Ouais, traduit. La vieille ordure aurait un cancer à l'estomac. Ce serait un grand bonheur, mais je ne peux pas croire que ce soit vrai. Oui, et... ça suffit. Non, continuez. Mais qui a parlé? Comment? Madame est là? Depuis un quart d'heure, je suis en avance. Je n'engrette pas. Vous étiez sorti quand je suis arrivée. Cet imbécile de Suisse aurait pu me prévenir. Je lui avais défendu. Je suis au désespoir. Votre petite chanson m'a charmée. Congédiez cet homme. Partez. Partez. Silence. Il y va de ta tête. Donnez-moi la lettre. Elle est amusante. C'était mon intention de la remettre à madame. Je sais que madame n'aime pas madame. C'est pour servir madame que je fais surveiller la correspondance de madame. Je vous en suis très obligée. Mais cette autre lettre n'est pas de cette brave Liselotte. Je reconnais mon écriture. Oh, une lettre de madame décachetée, mais c'est un crime. Oui. Oh, une erreur plutôt du cabinet noir, mais elle est monstrueuse. Vous vous sacrifieriez au besoin pour couvrir le secret du maître. Je ne vous en veux pas. Madame. Tout cela restera entre nous. Continuez d'être fidèle au roi. Madame de Montespan ne peut tarder. Je retourne à côté. Vous la recevrez ici et vous la laisserez parler jusqu'à ce que je paraisse. Elle a la langue vive. Madame ferait mieux d'y renoncer. Non, je veux l'entendre lorsqu'elle s'exprime librement. Ah ben, en ce cas, c'est le meilleur moyen. Nous n'en avons pas d'autre. Vous l'avouez. Madame, la vérité ne se livre pas, mais elle ne se défie pas assez non plus. Elle se laisse toujours surprendre. J'en gagne mon poste. Chantez-moi encore un petit air. Madame. Monsieur, une dame masquée avec un garçon bleu. Renvoie le garçon. Je suis en retard. Madame la marquise arrive la première. Oh, j'aurais voulu la faire attendre. Elle a eu la même pensée, mais elle a mieux calculé que moi. Je suis émue. C'est pas que j'ai peur, non. Non, c'est un autre sentiment. Tout à l'heure, en suivant ce garçon dans le dédale des couloirs, je me croyais ramenée à l'époque où tu venais me chercher la nuit, sur le palier des filles d'honneur, pour me conduire au lit du roi. Tu t'es enrhumée ? Oui, madame. Dans les couloirs, précisément. Ah, oh, tu chauffes trop ici, on étouffe. J'ai voulu me faire belle pour affronter cette vieille parque. Oh, pardon, que je suis maladroit. Comment me trouves-tu ? Je n'ose le dire. On dit toujours. Madame la marquise ressemble à une mouche d'or. Est-ce l'idée qu'une araignée me guette qui t'inspire cette comparaison ? Non, je vais parler sans réflexion. Mais qu'as-tu ? Jamais je ne t'ai vu si embarrassée. Madame, comment ne le serais-je pas de vous recevoir dans mon réduit ? Oh, tu as tort. C'est galant chez toi. Ah, si elle n'est pas ici dans 5 minutes, je m'en vais. Non, non, prenez patience. Elle a pu être retardée au dernier moment. Ah, oh, je vois ce que tu veux dire. Oh, alors, tu crois que le roi se frotte encore à sa vieille peau? Mais, au fait, tu dois le savoir. Couchent-ils souvent ensemble? Oh, mais réponds-moi. Madame, un valet de chambre qui trahirait les secrets de l'alcôve serait plus coupable qu'un gouverneur de forteresse qui la livrerait à l'ennemi. Le roi faisait l'amour avec moi à toute heure. Même à la chasse dans les pavillons après la curée, tu te rappelles? Quelquefois, ça le prenait en plein conseil. Bon, on interrompait la séance. Il revenait plus dispo ensuite aux affaires de l'État. Maintenant qu'il est dévot, il doit jeûner là-dessus ou mordre à ce vieux coin par pénitence. Permettez, madame, une seconde. Il sort par la porte qui ouvre sur l'antichambre et reparaît dans le cabinet de droite par la porte du fond. Qu'est-ce qu'il y a dans cette armoire ? Mes anciens costumes de théâtre. Je les revais parfois devant cette glace quand je suis seule. Et tu pleures ? Non, je ris. Oh, c'est la même chose. Montre-les. Voilà celui de Psyché, celui de Proserpine, celui d'Armide, et celui d'Hercule amoureux. Mais ce manteau turquoise, c'est le mien. Tu l'as donc aussi conservé? Dans le poivre, oui, madame. Oui, c'est ce qu'il y a de mieux contre les mites. Ah, ça sent autre chose que le poivre. Le camphre aussi, peut-être? Non, autre chose. Oh, un reste de parfum. Mais non. Tu ne sens pas cette horrible odeur? Quelle odeur? L'odeur du passé, des choses mortes. Excusez-moi, madame, j'appartiens au présent. Et je me dois à lui. Tout ce qu'il y a de mieux en France n'a cessé d'encombrer mon antichambre jusqu'à une heure avancée. Le maréchal de Luxembourg, qui demain va rejoindre M. de Vauban à Valenciennes, devait prendre congé du roi ce soir, et Sa Majesté, par une courtoisie envers moi, dont je demeure confondue, a voulu que cette cérémonie eût lieu dans mon appartement. Cela nous a mené fort tard. Heureusement, madame, que vous avez été habituée à veiller lorsque vous étiez gouvernante de mes enfants. Heureusement, madame, que j'ai pris soin d'eux. Autrement, ils eussent été bien abandonnés. Heureusement pour vous, madame, que je vous avais prise à gage, car vous étiez bien dépourvue à l'époque. Moins que vous ne l'êtes aujourd'hui. Vous n'aviez que votre chemise. Il ne vous reste que vos robes d'or. Mesdames, je sais qu'entre deux personnes d'un rang si élevé, je suis plus bas que leurs chaussures. Mais puisque vous m'avez fait l'honneur extraordinaire de m'employer à vous ménager cette rencontre, je vous supplie très humblement de m'accorder une permission. Celle de vous dire que l'entretien commence mal. Il a raison. Tu as raison. Bon temps est un habile, comme je souhaiterais qu'il y en eût beaucoup dans notre diplomatie. Verriez-vous un inconvénient, madame, à ce qu'il nous servît de régulateur? Comment cela? Bon temps, vous aviez certainement l'intention, une fois sortie, d'écouter derrière une porte. Oh, madame. Oui, c'est un usage qui tend à se répandre. Alors vous avez bien dans le cabinet voisin quelques bons fauteuils dont l'on peut entendre commodément tout ce qui se dit ici? Installez-vous-y à votre aise. Quand vous estimerez que notre conversation s'aigrit, entrez mettre une bûche dans ce foyer. Madame et moi comprendrons. Excellente idée. Allez, bon temps, allez. Par obéissance, mesdames. Madame, je crois sentir que vous êtes gênée. Plutôt surprise, madame. Il y a des choses si invraisemblables qu'on ne cesse de s'en étonner. Oui. Ma fortune est celle-là. Mais comme il y a peu d'apparence, madame, qu'elles doivent changer, si ce n'est pour croître encore, le mieux serait d'en prendre son parti. Je mentirais, madame, si je vous disais que cela m'est facile. En effet, il y a un apprentissage qui vous manque, madame. Lequel, madame? Celui de la difficulté. Lorsque vous avez paru à la cour, vous aviez pour vous d'avoir 21 ans, un grand nom, une beauté rayonnante. Les bonnes grâces du roi, vous les avez obtenues facilement, parce que lui-même était jeune et ardent au plaisir. Je n'étais, moi, qu'une demoiselle pauvre et sage, la veuve d'un malheureux estropié, et votre servante. Ce n'est qu'au prix de 1000 angoisses que j'ai conquis cette faveur, qui vous semble aujourd'hui incroyable. Vous avouez donc, madame, l'avoir recherchée? Je veux dire qu'il a fallu des années pour qu'on s'aperçût de ma présence. Ah, vous avez été patiente. J'ai toujours été impatiente. Mais je ne l'ai pas montré. Vous dissimuliez vos desseins. Surtout mes larmes. Quand j'étais gouvernante des enfants de France, quoique je souffrisse cruellement de votre humeur altière, rendez-moi cette justice, madame, que je n'ai pas dit un mot qui marqua le moindre chagrin. Ah oui, vous avez une égalité de caractère qui est proprement épouvantable. Déjà. Je suis flattée, madame, que ma tranquillité vous trouble à ce point. Je ne suis pas troublée, madame, je suis outrée. Si vous aviez su vous dominer davantage, madame, vous n'en seriez pas où vous en êtes. Si je ne vous avais pas tiré de la crotte, madame, vous y seriez encore. Oh, mesdames, mesdames, la bûche est mise. À quoi servent nos conventions? Vous ne remarquez même pas mon entrée. Je fais de la musique avec la pelle et les pincettes pour attirer votre attention et vous conseiller le calme, et vous n'en criez que plus fort. Oui, il a raison, cette querelle est absurde. Oui. Tu as raison, j'ai eu des mots un peu vifs. Mes excuses pour crotte, madame. Madame, je ne suis pas femme à me formaliser d'un mot, surtout quand il est dit sans intention blessante. Qu'entendez-vous par crotte? Une extrême pénurie d'argent? Alors oui, rien n'est plus vrai, je suis née dans la crotte. Et j'y ai longtemps vécu. Je ne comprends pas, madame, qu'on puisse éprouver tant d'orgueil à rappeler qu'on est parti de si bas. Mais vous serez toujours légère. Vous allez encore vous disputer. Peut-être jugerez-vous opportun d'aborder les objets particuliers de votre entretien. Car enfin, l'heure passe, et la prochaine journée, veille du départ du roi, sera très fatigante. Vous faites bien de me le rappeler. Pour moi, ce sera un jour comme les autres. Peut-être pas. Madame, il court des bruits fâcheux qui sont, pour moi, un grand sujet d'alarme. Il s'agit de Mademoiselle de Blois. Comment va cet enfant ? Vous vous intéressez donc toujours à elle? N'est-elle pas née à Maintenon, que je vous avais prêtée pour vos couches? N'ai-je pas régenté ses nourrices et vu pointer sa première dent? Puisqu'il ne vous déplaît pas de vous le rappeler, je... Enfin, ce... cela m'encourage à... Oh non, je ne pourrai jamais, c'est trop. Qu'y a-t-il? Je n'y vois plus clair. Mais qu'est-ce qui vous semble obscur? Tout ce passé est limpide. Je veux dire, j'ai un nuage sur les yeux. La tête me tourne tout à coup. Vos vapeurs, il fallait s'y attendre. Oh, l'épreuve excède mes forces. Vous avez une santé de fer. Tous vos malaises viennent de là. J'en crèverai. Si vous redoutez une crise de nerfs, vous avez là un canapé. Merci. Oh, oh Dieu. Bon temps. Madame. Allez chercher un flacon de sel. En voici un. Hein. Là, détendez-vous. Là, laissez-vous aller. Respirez, madame. Vous soufflez, respirez. Mettez un coussin sous la tête de la marquise. Oui, madame. Avez-vous un cordial, du cognac? Ah, mais inutile, madame. Vous êtes trop bonne. Laissez-moi faire. Je vous ai souvent soignée pour ce genre d'incommodité. Respirez. Françoise. Comment? Oh, pardon. Je suis confuse, madame, de l'honneur que vous me faites. Mais il y a des démarches si pénibles. Il est si étrange que pour avoir le droit de garder ma fille auprès de moi, il me faille... Respirez. M'humilier à ce point. Buvez. Permettez. Là. Vous sentez-vous mieux? On a commencé par détacher de moi le duc du Maine. Ensuite, ça a été le tour de sa sœur puinée, la duchesse de Bourbon. Ah, la voix est meilleure. Maintenant, si l'on m'ôtait la cadette, ce serait le comble. Vous voici tout à fait ranimée. Mais je suis pourtant leur mère à tous. En êtes-vous sûre? Ne les ai-je pas conçus, portés, enfantés? C'est peu de choses. Vous parlez comme une femme qui n'a jamais eu d'enfant. J'ai eu les vôtres. Bon, c'est sans comparaison. En effet, vous avez conçu dans l'oubli de vos propres devoirs, portés dans les fatigues des plaisirs, enfantés dans l'orgueil. Oui. J'étais fière de mes maternités, puisqu'elles étaient du sang de France. Et parce qu'elles affermissaient, pensiez-vous, votre domination. Seulement, aussitôt délivrée, vous ne vous inquiétiez plus du fardeau. Et c'est à moi qu'on le passait. Mesdames, la peste des femmes. Vous déformez tout. Vous savez très bien que j'étais tenue au secret à l'époque où les premiers enfants que j'ai eus du roi n'étaient pas encore déclarés. J'ai été contrainte de me séparer d'eux. Mais je venais les voir. Rarement. Oh, je vous demandais constamment de leurs nouvelles. Plutôt, je vous en envoyais. Quand mademoiselle aînée est morte à 4 ans, j'ai été seule à la pleurer. Dans une lettre, parce que vous saviez que le roi lisait vos lettres. Voilà un trait qui me justifierait devant Dieu de vous haïr, si j'étais capable de haine. Il me souvient qu'un jour, que le feu avait pris et fait des ravages dans la maison écartée où j'habitais avec mes petits princes au fond de vos girards, je vous écrivis, toute bouleversée encore. Vous rappelez-vous quelle fut votre réponse? J'en suis bien aise, le feu porte bonheur. Sans cela, les paroles d'une mère. Puisque le danger était passé. L'idée seule en fait trembler quand on aime. Oh, alors sur un mot jeté à l'étourdi et dont je n'ai d'ailleurs aucune mémoire, vous décidez que je n'ai pas de cœur. L'esprit peut être étourdi, le cœur, madame, ne l'est jamais. Bien, je suis un monstre d'égoïsme. Vous avez un tempérament orageux qui vous fait croire à vous-même que vous êtes sensible. Tandis que vous, sous vos airs de froideur, vous cachez une âme aimante. Pour mon malheur, tant qu'a duré ma mission auprès des enfants de France, je n'ai pas cessé de trembler. Oh, vos responsabilités étaient grandes et vous en aviez souci. Il n'est pas question de cela. Je m'étais attachée. Les premiers enfants que vous aviez eus du roi étaient nés malingres. Je n'ai pu les sauver tous. Dieu ne l'a pas permis. J'aurais du moins arraché à la mort le plus faible d'entre eux, le duc du Maine, dont l'existence jusqu'à 15 ans n'a été qu'une longue maladie. Oh, ne me parlez pas de cet ingrat. Je le crois la reconnaissance même. Envers vous? Envers celle qui a pris soin de lui. En soignant son corps, vous n'aviez qu'un but, circonvenir son esprit. Mais le dévouement n'a rien de commun avec les déchirements que j'éprouvais. J'aimais, je pleurais, je souffrais, j'ai pâti dans ma chair. Oui, madame, vous resplendissiez alors dans les fêtes comme une divinité. Pendant ce temps, moi, simple femme, j'avais pris à mon compte, auprès des berceaux, les sentiments qui, par nature, vous étaient destinés. J'ai été la vraie mère. Oh ! Mesdames. Et c'est pour entendre cela que je suis venue. C'est pour la voir encore faire la fière que j'ai pris sur ma nuit. Bon temps, tu m'as trompée. Je vous avais prévenu. Tu m'as attirée dans un guet-apens. Vous avez dit que cela finirait mal. Aide-moi à mettre mon manteau. Si vous partez, tout est perdu. Si elle s'en va, tout est par terre. Où est le Suisse? Où est le garçon qui m'a amené? Je les ai renvoyés. Ils ne viendront qu'à 1 heure. Oh, mais c'est absurde! C'était plus sûr pour que rien ne transpirât de l'entretien. Bon, eh bien, tu vas me reconduire. Je m'y refuse. Comment? Comment oses-tu? Dans votre intérêt. Retenez-la, dites un mot. Eh bien, puisque c'est ainsi, j'irai seule, Adieu, madame. Mais non, mais elle se jettera aux pieds du roi à la sortie de la messe. Non, plus d'espoir qu'elle s'en aille jamais. Rappelez-la. Ah, pardon, madame. Je rattachais ma jarretière. En réfléchissant, revenez. On vous en prie. Non. Mais puisque vous regrettiez déjà d'être partie... Pouf, tu crois que j'ai peur d'elle? Non, je crois qu'il vous reste encore une lueur de bon sens. C'est elle qui t'envoie, tu le jures. Sur la tombe de ma mère. Venez. Attends, attends. Il faut qu'elle croie que j'étais loin. Et tu lui diras que tu m'as fait violence. Elle vous fait chercher de sa part, madame, c'est énorme. Exiger plus serait maladroit. Eh bien, va, va, je te suis. J'ai rattrapé la marquise au bas de l'escalier. Et elle était derrière la porte. Approchez-vous du feu. Ces couloirs de Versailles sont une Sibérie. Je vous suis bien obligée. Asseyez-vous. J'ai de grandes excuses à vous adresser. Oh, madame. Si, si, je n'ai pu m'empêcher de gratter les vieilles blessures. J'ai eu tort. Nous les avons grattés ensemble. C'est moi la plus coupable. À quoi me sert d'enseigner aux demoiselles de Saint-Cyr que l'on doit garder la maîtrise de soi dans les occasions les plus imprévues, si je me laisse emporter comme une jeunesse? En ce cas, j'étais jeune aussi. Vous avez toujours vos beaux yeux. Et vous, madame, votre beau regard. Eh bien, justement, soyons franches. Puisque nous en sommes à nous complimenter sur nos yeux... C'est que nous avons atteint l'âge où deux femmes, instruites par la vie et par leur propre discorde, se doivent une mutuelle indulgence. Je suis heureuse, madame, de vous voir enfin dans une disposition qui était celle que j'apportais en venant ici. Au premier abord, nous devions fatalement nous heurter. Mais que notre dispute ait du moins ceci de bon, qu'elle nous ait permis de liquider d'un seul coup nos anciens griefs. Madame, j'avais fait préparer un encas. Il pense à tout. Une perle. Antique. Revenons à mademoiselle de Blois. Puisqu'aussi bien j'ai cru comprendre que c'est à son sujet, surtout que vous vous alarmez, qu'est-ce qui cause votre inquiétude? Comment dire? Ne vous gênez point, nous parlons à cœur ouvert. On m'assure de tous côtés, madame, que l'intérêt que vous portez à ma fille est si vif qu'il vous pousserait à me l'ôter. C'est un conte de Perrault. Je ne suis pas une ogresse. En effet, madame ne mange rien. Non, non, je ne fais jamais mes dianoches. On dit encore, madame, que le roi, pour vous permettre de voir ma fille plus souvent, la confierait à l'une de vos amies. Madame de Montchevreuil, n'est-ce pas? Qu'y a-t-il de vrai dans tout cela? Madame, il m'est revenu par des voies obliques qu'une princesse d'un très haut rang avait écrit en Allemagne à l'une de ses parentes que j'avais un cancer à l'estomac. Dois-je le croire? Oh, j'espère que... Je ne vous demande pas, madame, ce que vous espérez ni ce que vous pouvez supposer en voyant que je n'ai pas votre appétit, mais seulement si vous pensez qu'une personne raisonnable est à se soucier d'un cancan. Madame, puisque ces racontars vous semblent méprisables, ne pourriez-vous prier le roi de leur imposer silence par quelques déclarations publiques? Madame, le roi part après-demain, enfin, demain plutôt, car il est déjà plus de minuit. Dans un temps si court, au milieu du branle-bas qui précède l'ouverture d'une campagne, j'aurais scrupule à tirer sa majesté par la manche pour lui parler de l'éducation d'une enfant. Au retour du roi, je ne dis pas. Non, ce retour est bien loin. Faites-moi confiance. Encore une truffe. Oui, oui, merci, oui. Je vous aurai un gré infini, madame... de tout ce que vous pourriez faire pour me rassurer. Je veux faire plus. Je veux que notre entente au sujet de mademoiselle de Blois ne soit qu'un commencement, le point de départ de relations nouvelles entre nous. Est-ce possible? C'est possible si nous avons le bon esprit, l'une et l'autre, de fermer l'oreille au rapport empoisonné que tous les officieux qui ont intérêt à ce que notre brouille n'ait pas de fin. Un peu de champagne. Oui, oui, merci. Méfiez-vous de bon temps, il va vous griser. Ah oui, les commérages sont la plaie de la cour. Il ne se passe guère de matinée sans que des personnes obligeantes ne viennent, quand je suis à ma toilette, me débiter 1000 horreurs sur votre compte. Oui, ce sont souvent les mêmes gens, madame, qui viennent ensuite chez moi, déblatérer contre vous. On nous dupe, en somme. Exactement. Aussi, je souhaiterais que notre accord, enfin, du moins pendant les premiers temps, demeura en dehors de ses bavardages. Me promettez-vous le secret? Ah, ne répondez pas à la légère. Vous devez bien penser que la seule idée d'un rapprochement entre nous est de nature à décevoir une foule de combinaisons. Il faut n'avancer qu'à couvert. Je n'en soufflerai mot. Voilà qui est bien. Puis-je espérer, madame, que le roi, à son retour, quand notre raccommodement sera devenu public, voudra bien me faire l'honneur d'espacer un peu moins ses visites. C'est pour moi une question, je n'ose plus dire de prestige, mais de dignité. J'entends. J'arrangerai aussi cela. Oh, madame, comment vous remercier? En priant pour moi. Qui peut venir à pareille heure? Tu n'attends personne? Mais non. Entrez ici. Voilà. Madame, où est madame? Mais qu'y a-t-il? Elle n'est pas là. Mais où est-elle? Françoise, Blouin m'a fait dire que le roi s'est levé. Ça l'a pris comme un coup de fouet. Il va venir chez toi. Seigneur, ton manteau. Mon masque. Oh. Où est mon masque? Tu l'as trouvé? Ah non, non, tant pis. Filons. En quelle histoire me suis-je fourré? Il la désire donc encore? Comment cela finira-t-il? À la Bastille, peut-être, pour moi. Pourtant, je ne songeais qu'à lui. Mais que me veux-tu encore? Je respire. Madame, madame, il y a erreur. Le roi s'est recouché. Il s'était seulement levé pour pisser. Le lendemain soir, entre 10 et 11 heures, la chambre de Madame de Maintenon. C'est l'instant où le roi vient de quitter la chambre et traverse l'antichambre, qu'on ne voit pas, pour aller souper au grand couvert. On entend la rumeur des courtisans qui se pressent sur son passage. Madame de Maintenon, debout, est tournée vers cette rumeur. La voix du maître d'hôtel s'élève, annonçant la rumeur décroît. Les portes, invisibles, sont refermées. Madame de Maintenon est seule. Elle se laisse choir dans un fauteuil, brusquement, comme assommée de fatigue. Approchez, bon temps. Je suis là, derrière le paravent. Eh bien, où en sommes-nous? Cette attente me donne la fièvre. Vous pouvez parler devant l'anneau. Madame, sa majesté étant l'exactitude même, tout marche à la pendule, selon l'ordre fixé. Dans les communs, les casernes, c'est le branle-bas du départ. Boutecelle à 8 heures pour la maison du roi. Les carrosses suivront. Pour l'instant, sa majesté est à table. Elle a déjà mangé 3 potages différents et bu 2 verres de champagne, dont l'un mélangé de quinquina. Son silence ne t'inquiète pas? Il était prévu, madame. D'ordinaire, c'est après le fruit que le roi se décide à parler. Mais parfois dès l'entremets. C'est bien rare. Plus l'affaire est d'importance, plus il tarde. Surtout s'il sent que les imaginations s'échauffent, que les suppositions vont leur train. Quand je pense qu'il a travaillé ici presque toute la journée et qu'il ne m'a rien laissé pénétrer de ses intentions. Et madame, de son côté, n'a rien laissé voir de son impatience? Rien dans les yeux? Rien dans les gestes? Aucune hâte en dévidant ses laines, en maniant ses fuseaux? Je sais encore me dominer. Oh, madame, ce sont les personnes habituellement les plus pondérées dans leur maintien qui sont les plus exposées à révéler, sans s'en douter, leur trouble intérieur. Car chez elles, le plus petit mouvement insolite se remarque aussitôt, comme un fil de couleur sur une étoffe noire. J'ai appris à surveiller mes mains, à ne pas les porter trop souvent à ma coiffure, comme cela m'arrivait autrefois. Tournez-vous pendant que je gagne mon lit. Oui. C'est fait. Nanon, tu peux me servir à souper. Qu'est-ce que madame boira? Une tasse de camomille. Bon temps. Après ce qui s'est passé la nuit dernière, quelles sont vos impressions? Blouin est un âne. Je suis surpris de ne pas avoir la jaunisse après l'alerte qu'il nous a donnée. Laissons ce ridicule incident. De quelle humeur était la belle lorsque je l'ai quittée? D'excellente humeur. J'ai tremblé d'abord. L'affaire était dans le lac. Heureusement, madame l'a repêchée. Et avec quelle habileté, quelle science. La sotte a tout gobé. Vous croyez? Mais en tout cas, elle n'a pas bougé de la journée. Aucune tentative suprême auprès du roi. Jusqu'ici, nous gagnons. Mais j'ai compromis mon salut. Madame se rattrapera en bonnes œuvres. Voyez donc s'il y a de la lumière chez elle. Ce n'est qu'à demi éclairé. Par conséquent, elle est absente. Oui, elle doit être au grand couvert, ce qui ne lui était pas arrivé depuis bien longtemps. Elle a dû s'y rendre dans tous ses atouts, raccrochée à l'espoir de jouer encore un rôle. Madame a pitié d'elle? Attendons. Je ne reçois plus personne. Voulez-vous le dire, je vous prie? Nanon, remporte la laitue, le potage me suffit. Donne-moi mon rosaire. Madame m'a condamné sa porte, mais je suis sûr qu'elle sera enchantée de faire une exception en faveur de ces deux personnes. Avancez, mademoiselle, monsieur le comte. N'ayez pas peur, madame ne vous mangera pas. Puis, le petit chaperon rouge était seul. Vous êtes deux. Allons, encore un pas. Allons. Eh bien, monsieur, saluez. Mademoiselle, faites votre révérence. Que cette révérence est gauche. Que ce salut manque de grâce. Madame, c'est la timidité. On doit savoir la vaincre. Ça s'enseigne et s'apprend. Comme on voit bien que ces deux-là n'ont pas été élevés par moi. Mademoiselle, dites votre compliment. Madame, notre mère nous envoie vous porter ses respects. Comme gage des sentiments... Des sentiments qu'elle... nourrit à votre égard. Qu'elle nourrit à votre égard, elle vous supplie d'accepter ce tableau. Il représente le paysage de Saint-Cyr avant que vous n'eussiez fondé dans ce lieu la maison... La maison que... Tout l'univers admire. Tout l'univers admire. Le compliment est fort bien tourné, mais la récitation en a été déplorable. Attitude embarrassée, mauvaise articulation, défaillance de mémoire... Ne rougissez pas, mon enfant. La faute de tout cela incombe à votre gouvernante qui, sur ce point encore, a négligé votre éducation. Vous lui direz de ma part, mademoiselle. Voyons le tableau. Il est très exact. Ces arbres gênaient la vue. C'est moi qui les ai fait abattre. Madame, cette scène me touche à un point que je ne puis exprimer. Mais accordez-moi la permission... Oui, allez, tâchez de nous apporter de bonnes nouvelles. Voilà. Mademoiselle, et vous, monsieur, vous direz à Madame de Montespan que j'ai reçu son présent avec toute la sensibilité dont je suis capable. À mon tour, je voudrais lui offrir quelque chose en témoignage de mon amitié. Tenez, voici qui convient à merveille. Donnez-moi le petit livre qui est posé sur cette table. Vous le remettrez à votre mère avec mes meilleurs vœux. C'est un ouvrage du Saint-Évêque de Genève, François de Sales. Il a pour titre « Introduction à la vie dévote ». Madame, il ne faut pas que cette visite vous fatigue. Partez, laissez-moi les enfants une minute. Je les ferai reconduire par l'anneau. Ah, c'est du propre! Vieille horreur, vieille sorcière! Vous m'avez bien floué, quelle hypocrisie! Quelle ruse! Mais regardez-la comme un serpent couché sous ses couvertures et ce chapelet encore au doigt! Oh, du moins, le roi, ce vieux puant, fait ses mauvais coups en public comme il fait ses besoins, mais elle, c'est dans l'ombre qu'elle travaille. Tout par-delà de ce cloaque, de cette alcôve avec son eau bénite, de ce lit répugnant! Qu'y a-t-il, madame? Madame? Rien. Des mots. Et pendant qu'on m'assassinait, elle cajolait mes enfants! Et comment êtes-vous là, vous autres? Qui vous y a envoyé? Vous, ma mère. Oh, en effet! Quelle idiote j'étais! Ah, où est-il ce tableau? Ah, le voilà! Aux ordures! Aux fumiers! Ah, je me sens mal. Ah, sûrement j'en mourrai. Un fauteuil. Ah, j'en mourrai. Vous dites toujours cela. Délasse-moi. J'avais aussi trop mangé. Nanon, aide, mademoiselle. Ne me touchez pas, vous, avec vos sales mains! Elle a besoin d'une saignée, si j'allais chercher Maréchal. Non, il faut qu'elle garde toute sa force pour mener l'affaire jusqu'au bout. Respirez-vous mieux? Qu'est-ce qui est arrivé? Vous la prendrez toujours assez tôt. Ah, crapule, te voilà. Tu viens rendre compte de tes trahisons. Madame la marquise est souffrante. Mouchard, je t'ai aperçu derrière une colonne au moment où le roi s'est levé avec cette solennité grotesque. Je ne peux entendre parler ainsi de sa majesté. Tu m'entendras. Ton maître ne peut rien faire avec simplicité, pas même une vilenie. Tu étais informé de ce qu'il allait dire. Nul n'a jamais été dans sa confidence. Je serai donc le premier. Tu guettais cette minute. J'étais surpris qu'elle vint si tôt. Ah, tu vois que tu te livres. Pas du tout. Il ne se passe guère de semaine que le roi ne fasse au grand couvert quelques déclarations publiques, mais toujours dans le dernier quart d'heure. Cette fois, il a tapé sur son assiette dès la fin du premier service, avant l'euro. J'étais confondu. Je t'ai vu sourire quand il a déclaré que la petite que voilà serait confiée à la Montchevreuil. C'est fait. Ça vaut mieux pour toi. Quand le four va porter son second coup et annoncer qu'il emmènerait ce gamin à la guerre, ta figure d'ornard s'est illuminée. Oh, le roi m'emmène. Le roi m'emmène. Voulez-vous bien vous tenir? Oh, en voilà des manières. Oh, madame, j'ai tant de joie. Je vous ai une telle gratitude. Ah, ça, par exemple, c'est trop fort. On se congratule devant moi à présent. Veux-tu lâcher cette main? Ma mère, je ne puis obéir quand vous commandez sur ce ton. Qu'oses-tu dire? Frapper, mais je ne lâcherai pas. Ce serait offenser madame. Alors c'est moi qui retirerai ma main. Ne me retirez pas du moins votre protection. Oh, ma mère, voyez ce que vous faites. Oh, la lâcheté de cet enfant lève le cœur. Mais en même temps, il vous accuse, madame Françoise. Le coup qui me frappe et dont mon fils a la sottise de se réjouir pour son compte, c'est bien d'ici qu'il est venu. Le vilain petit bonhomme ne s'y est pas trompé. Ah, toi au moins, ma fille, tu n'as pas bougé. Tu n'as pas la bassesse de ton frère. Ce que le roi ordonne est bien ordonné, ma mère. Sortez! Vous êtes deux monstres! Ne revenez jamais m'embrasser! Dehors! Dehors! Dehors! Tout va bien? À moitié. Allez chercher le duc du Maine. Halte là, bon temps! Nous n'avons pas fini de régler nos comptes. Madame, excusez. Demain, je prends la semaine et le maître s'en va. Je le suis. Mais tu as toute la nuit pour te préparer. Vous pouvez rester une minute. Nous voulions vous servir. Le roi nous a devancés. Vous avez couvert sa manœuvre. Pendant qu'il s'apprêtait à cet acte d'une tyrannie révoltante qui me dépouille de toute autorité, de tout prestige, comme une mère indigne, vous avez endormi mes soupçons. Vous êtes en dehors du jeu, comme nous-mêmes. Le roi n'a eu en vue que l'intérêt de ses enfants. L'éducation de mademoiselle de Blois était fort négligée. Si vous le pensiez, pourquoi, la nuit dernière, ne me l'avoir pas dit? Je m'en suis aperçue tout à l'heure quand elle m'a fait son compliment. Le roi, lui, si sensible aux manières et voyant sa fille presque tous les jours, a dû le remarquer depuis longtemps. Et l'autre, ce morveux qu'on traîne aux armées. Ah, quelle folie! Dites quelle faveur extraordinaire. Mais pas plus le garçon que la fille, vous n'aimiez ses enfants pour eux-mêmes. Et vous, ma Candide, c'est uniquement pour ces petits que vous vous sentez bien à l'aise à cette heure dans votre grand lit. Vous n'avez aucun plaisir à songer que les décisions prises m'atteignent du même coup, qu'elles me rabaissent, me bafouent encore un peu plus. Non, je suis en dehors du jeu, n'est-ce pas? Eh bien, réjouissez-vous de gagner cette dernière partie, mais n'espérez pas davantage. Madame la marquise... Ah, tu dresses l'oreille, toi. Oui, je perçois un bourdonnement, la fin du grand couvert. Une seconde encore. Regarde-la, ta madame. Tu ne trouves pas qu'elle a l'air d'attendre quelque chose? Quelque chose qui tarde à venir. Madame prie. Des lèvres. Vois comme ses yeux brillent. De ferveur. Non. D'inquiétude. Il y a un déchaînement terrible derrière cette tranquillité. Ah, mère rusée, je suis une folle, une étourdie, une grosse bête. Avec un bon rabatteur comme toi, bon temps, on peut m'avoir embattu, comme vous m'avez eu cette nuit. Mais me prendre au piège, c'est plus difficile. Un instinct m'avertit lorsque j'ai le nez dessus. Alors, en ce moment, vous pensez... Je ne pense pas. J'ai flairé. Aussi, tu ne remarques pas comme je suis devenue calme tout à coup? En effet, madame semble un peu calmée. Tandis qu'elle observe comme ses doigts tourmentent son rosaire. Ah, j'ai la tête près du bonnet. Vous avez cru que je perdrais le nord après cette avanie affreuse, que l'indignation l'emportant, j'allais partir dans un éclat. Et c'est cet éclat qu'elle attendait, qui n'est pas venu, qui ne viendra plus. Je reste à Versailles, madame, à moins qu'on ne m'en chasse. Ah oui, sa majesté sort de table. Tu pourras le dire à toute la cour, bon temps. Je ne m'en irai pas. « Jamais tu n'obtiendras du roi qu'il me bannisse ouvertement. Non parce qu'il est bon, mais parce qu'il est lâche. Ainsi je te tourmenterai rien que par ma présence. J'empoisonnerai ta vie. Madame? Comment, madame, vous êtes là? Oh, pas de comédie, s'il te plaît. En venant ici, tu savais parfaitement m'y rencontrer. La rumeur a couru en effet que vous étiez entrée chez madame de maintenant, mais je ne pouvais le croire. Et pourquoi donc? Peut-être t'attendais-tu à nous trouver en train de nous manger le nez comme deux dames de la halle? Eh bien, tu vois, nous causons tranquillement comme de vieilles connaissances. Je vois, je vois. Et tu te demandes si tu rêves? Un peu. Devant partir demain d'assez bonne heure avec le roi, j'étais venu vous saluer, madame. Et ta mère? T'étais-tu présentée chez moi, d'abord? Non, madame, mais je comptais bien y passer. Après? Oui, après. Sont-ce là les principes que vous avez inculqués à votre élève, madame? Madame, les questions d'étiquette ne comptent guère ce soir. Madame, si j'avais su profiter de vos leçons, je serais parfait en toute chose. Oh, voilà un madrigal qui sent la flatterie d'une lieue. À votre place, je me méfierais de ce garçon. Il n'apparaît pas que chez vous, madame, la nature ait souvent parlé en ma faveur. Oh, je ne suis pas une mère aveugle, tout simplement. Croyez-vous que madame de Maintenon ne voit pas elle aussi mes défauts? Seulement, elle s'en afflige, tandis qu'il vous irrite. Là est la différence. Tu étais au grand couvert. Tu as entendu ce que le roi a déclaré? Certainement, madame. Et c'est là toute la part que tu prends à mes ennuis. Tu m'as vu me lever, quitter la salle à demi-morte. Un autre qui aurait eu du cœur m'aurait rejointe dans la galerie, mais non, toi, tu restes à table. Et quand le souper est fini, c'est ici que tu te précipites faire la cour à madame, sans doute, comme à la triomphatrice de la soirée. Madame, monseigneur me rend visite chaque soir. Oh, je gage qu'il y a mis ce soir un empressement particulier. Le roi déclare ses volontés à la lumière des bougies, mais ce jeune monsieur n'ignore pas qu'il y a une source obscure à toutes les faveurs, comme à toutes les disgrâces, et qu'elle est ici, dans cette chambre. Madame, c'est honteux ce que vous dites là. Je ne vous croyais pas si méchante. Oh, madame, je vous en supplie, ne me jugez pas aussi vile que ma mère me dépeint. Oh, ton frère et ta sœur lui ont déjà fait des courbettes. Ah, c'est vrai, tu n'as pas vu ça. Ah, la servilité de ces bambins, quel spectacle horrible. Madame, j'ignore quelle a été la conduite de mon frère et de ma sœur, qui sont en effet deux enfants, mais j'ai, moi, 21 ans, et je réponds de mes sentiments. Madame, que mon assiduité auprès de vous, mon zèle à vous rendre hommage, soit inspirée par l'intérêt, cela, non, non, je le jure, c'est une calomnie, un mensonge. Tu parles de ta mère, surveille ton langage. Nous n'en sommes plus là. Madame, croyez-moi, croyez-moi. Même quand je vous aborde gauchement pour vous demander un service, ce qui prédomine dans mon cœur n'est jamais un calcul. C'est le désir de me confier à vous, comme au temps de mon enfance. Quand je vous disais mes chagrins, le besoin de me réfugier auprès de votre raison qui est admirable, et de votre tendresse qui m'a toujours été si douce. Est-ce ma faute si je t'ai cru insensible? Jamais tu ne m'as parlé sur ce ton. Cela ne se commande point. Et vous, madame, vous pleurez? Je suis heureuse. Mais pourquoi, lorsque tu as des soucis ou des joies, ne te vient-il jamais à l'esprit de m'y intéresser? Parce que la pensée ne m'en vient pas au cœur. Je suis ta mère? Oui. Quand j'étais petit, ma mère, cela signifiait pour moi une personne lointaine, assez redoutable, qui de temps en temps vous écrit d'être sage, qui parfois surgit brusquement, vous caresse en vous meurtrissant à des bijoux, et disparaît dans un tourbillon. Mais aujourd'hui? Aujourd'hui? Ma mère, c'est une dame que je salue, mais que je ne connais pas. Parce que tu ne veux pas la connaître. Ose donc l'avouer, tu m'as toujours détestée. Non. Vous m'avez négligée, mais vous ne m'avez fait aucun mal. Au contraire, puisque vous m'avez remis à quelqu'un qui m'a reçu dans ses bras avec des précautions infinies. Une gardienne incomparable. Elle a pansé mes plaies, elle m'a consolée. Et quand elle me regardait dans les yeux de tout près, ses larmes coulaient sur ma figure. Que vas-tu me reprocher bientôt? De ne pas t'avoir élevée moi-même comme une femme du peuple. Mais est-ce que tous les princes n'ont pas été confiés à des gouvernantes? Ça ne les a pas empêchés d'aimer leur mère. La gouvernante, cette fois, était un être unique. Et puis, savez-vous ce que c'est, madame, qu'un enfant malade? Quand le corps demeure longtemps étendu, la tête travaille. Le cœur aussi. Et il s'attache terriblement. Il y a des sentiments puérils dont un garçon se libère à ton âge. À moins qu'il ne s'y raccroche pour la vie. Bon, alors c'est qu'il n'est pas un homme. Pas un homme! Ma mère a raison. Peut-être n'en serais-je jamais un tout à fait, puisque... Ah, rappelle-toi ma défense. Il y a des choses que tu ne dois pas penser. Vous le tutoyez? Vous devriez rougir de vos paroles. Mais toi, retiens-les. Retiens-les. Elles prouvent à quel point ce fils que vous revendiquez aujourd'hui si tardivement est resté pour vous un étranger. Tu es un homme, tu viens de le montrer par ta fermeté, ta mesure. Tu es mon enfant, Son enfant. Dis-lui comment tu m'appelles. Oui, madame. Il faut que vous le sachiez. Le nom de mère vous étant réservé, j'ai dû inventer un autre nom pour désigner ma grande amie. Je l'appelle ma plus que mère. Oh, c'est atroce. Quelle cruauté. Non, quel amour. Quelle tendresse. Madame, ce n'est que justice. Entendre cela, tout se paie. Ma mère, il faut partir. Partir ? Partir, oui. Vous résignez à la retraite. Les déclarations du roi doivent être interprétées comme une invitation à vous éloigner. N'attendez pas un ordre formel qui, désormais, ne saurait tarder. Oh, tu crois que ton père oserait ? Ne courez pas ce risque. Soyez brave, comme vous l'avez toujours été. Ne cédez qu'à la force dans la disgrâce et d'une âme peu fière. Ce serait indigne de votre rang, de votre renommée. C'est bien. N'en dis pas plus, j'ai compris. Je m'en irai, madame. Mais ce n'est pas la menace qui me décide. C'est cette douceur implacable. Et surtout ce mot. Ce mot affreux qui m'a fait tant de mal. Ce nom dont mon fils vous appelle et qui vous donne la victoire. Car il est vrai que je suis une orgueilleuse et une entêtée et une sacrilège. Mais j'ai un cœur aussi, Françoise, quoi que vous puissiez penser. Dieu saura le reconnaître. Je me retirerai à Paris, à ma maison des filles de Saint-Joseph, dans quelques jours. Non, ne différez pas. Soit. Je partirai demain. Non. Quittez la cour ce soir même, sans avertir personne. Vous bénéficierez de l'étonnement prodigieux que ce brusque départ va causer, et ainsi vous disparaissez avec grandeur, d'une manière qui vous ressemble. Tu as raison. Adieu, madame. Oubliez-moi. Je vais enfin pouvoir songer à vous, avec calme. J'irai dire qu'on a tel. Le carrosse est avancé. J'avais tout prévu. 6 bons chevaux. Et j'ai graissé la patte au cocher pour qu'il mène à toute bride. J'irai fermer la portière. Mon petit. Mon mignon à moi. À moi seul. Ah non, tu ne sais pas. Tu ne sais pas tout ce que tu viens de me donner. Je vous dois tant. Non, je te dois bien davantage. Tu m'as rendu ce soir au centuple. Tout ce que j'ai fait pour toi. C'est Bontemps qui m'a prévenu. Je suis entré ici sans savoir ce que je dirais. Tu as été superbe. Pas trop dur. Juste ce qu'il fallait. J'avais sur le cœur ses mépris. Les injures qu'elle proférait contre vous. Pas devant moi, mais on me les rapportait. La haine est contagieuse. C'était un sombre enchantement. Je souffrais comme une possédée. Et maintenant ? Tu m'as guéri. Exorcisé. Demain matin, je reviendrai vous embrasser avant de monter à cheval. J'espère bien. Je vous aime. Debout, monseigneur, debout. Ne perdons pas de temps. Le carrosse a franchi les grilles, mais tout n'est pas encore réglé. Comment cela ? Il y a moralement de fortes présomptions pour que le départ, cette fois-ci, soit définitif. Ah, monseigneur, aux présomptions morales les plus fortes, je préfère un bon petit empêchement matériel. Je n'en vois pas. Parce que monseigneur est jeune. Dans ce pays-ci, enfin je veux dire à la cour, les situations des personnes, leur degré de faveur ou de disgrâce, tout se ramène à une question de logement. Que voulez-vous dire ? Vous allez me suivre immédiatement. J'ai 30 Suisses en bas qui attendent. L'appartement des bains est au rez-de-chaussée. Rien de plus simple que de mettre dehors par les fenêtres les meubles de la marquise. Et si vous m'en croyez, la dernière nuit qui vous reste à passer à Versailles, avant de partir pour l'armée, vous la passerez là ! Camper sur les positions conquises, comme vous camperez bientôt devant Mons. Mais si le roi l'apprend ? Il sait tout. Oui, que madame m'excuse. J'ai eu une telle venette la nuit dernière que je n'ai pu me tenir ce matin de tout lui conter. Le colloque chez moi et la méprise de Blouin qui a causé notre frayeur. Oh. Sa majesté a bien ri. En outre, j'ai mis le roi au courant des incidents de la soirée. Déjà ? Oui, c'était mon devoir. Qu'a-t-il dit ? Rien. Il m'a menacé du doigt, ce qui équivaut à une promesse de gratification. Alors donc, il est content. Ravi. Et l'idée du déménagement lui semble très spirituelle. L'appartement des bains sera désormais le vôtre, monseigneur. Et madame de Montespan, n'ayant plus de logement à Versailles, c'est fini pour elle. Venez. Nanon ! Nanon ! Viens voir ! On déménage son appartement. On va tirer les meubles dehors, par les fenêtres. Une idée de bon temps. Et le roi laisse faire ? Il approuve. Voilà bien les hommes. Oh, les Suisses sont déjà dans la place. Regarde ! Regarde ! Ouvre un peu, que j'entende aussi. Vous n'êtes-vous pas frileuse ce soir ? Je suis une flamme. Comme une diablesse. Non, c'est ma haine qui brûle. Je serai purifiée demain. Alors, gare à nous. Le lit. Non, non, le lit. Sur le pavé, au vent, au chien. Et voici que le ciel s'en mêle. Il commence à pleuvoir. Les gars n'en continuent pas moins. Quelle misère. Que la boue retourne à la boue. Attention, j'entendais pas. Non, c'est une ronde. Ils ont l'air de se rapprocher. Laisse-moi regarder encore. On vient. Ne restez pas là. Laisse. Méfiez-vous. Votre homme est encore vert. Il part demain. Et avant de partir, dame, votre journée n'est peut-être pas finie. C'est la voix de Blouin. Demande-lui ce qu'il veut à travers la porte. Recouchez-vous d'abord. Mais non, il nous a déjà joué un tour la nuit dernière. Ouvrez ! Le roi ! Le roi ! Le Théâtre populaire Juin 44 vous a présenté Un roi, deux dames et un valet. Comédie en quatre actes de François Porcher, d'après un récit inédit de Madame Simone. Avec Lise Delamarre, Denise Jans, sociétaire de la Comédie française, et René Clermont. Avec Marcel Alba, André Bézu, Pierre Ferval, Robert Verani, Valé Valdi, Patrice Galbeau et Fanny Marette, André Gir, Olga Nilza, Brigitte Morisot, Claire Nobis. Bruitage, Jean-Jacques Noël. Collaboration technique, Édouard Campras. Chef opérateur du son, Pierre Planès. Assistante, Danielle Atoun. Réalisation, Philippe Guinard.